Cannes rend hommage à Kirill Serebrennikov en lui remettant la Légion d'honneur. Le Festival de Cannes a célébré cette semaine l'un des grands noms du cinéma contemporain en la personne de Kirill Serebrennikov. Le réalisateur russe a été fait chevalier de la Légion d'honneur lors d'une cérémonie organisée en marge des projections officielles. La ministre de la Culture, Rachida Dati, lui a remis cette distinction pour l'ensemble de son œuvre, son exigence artistique et son apport à la culture européenne. Visiblement ému, Serebrennikov a salué l'importance de l'art comme lieu de vérité, d'exploration et de transmission. Cette reconnaissance accompagne la présentation de son dernier film, La disparition de Joseph Mengele, dans la section Cannes Première. Adapté du roman d'Olivier Guèze, ce long métrage retrace la cavale de l'ancien médecin nazi en Amérique du Sud après la guerre. Incarné par August Diehl, le personnage de Mengele y apparaît tourmenté, fuyant non seulement la justice, mais surtout l'ombre de ses propres actes. Le film, d'une grande rigueur formelle, dresse un portrait intime et inquiétant d'un homme face à l'effondrement de sa légende personnelle. Réputé pour son regard audacieux sur l'histoire, la musique et les figures marginales, Serebrennikov poursuit avec ce film une œuvre cohérente, nourrie par une quête de vérité artistique. Son retour à Cannes, salué par la critique et le public, s'impose comme l'un des temps forts de cette 78e édition.